valeurs, pile égalité, ghetto. Parler d'autodéfense comme on parle d'une attaque. Et nombre les suivaient dans leur délire paranoïaque. N'oubliez pas que tout ça nous joie nos larmes et nos pas. Tout cela sera inscrit dans nos livres d'histoire. Mieux vaut réfléchir à deux fois plutôt que se tromper de voix. Il n'est pas inutile de s'encombrer la mémoire. C'était un temps où travaillaient les enfants d'ailleurs. Loin de nos regards, ils construisaient notre bonheur. Une minorité sans que c'est en gémissant. Pendant que le reste du monde crevait ou bossait pour des points. Il paraît que le malheur des uns est le bonheur des autres. Il paraît qu'il ne sert à rien de jouer les bons apôtres. Et on n'a pas conscience qu'on fait de l'humanité. Réfléchir à deux fois plutôt que se tromper de voix. Il n'est pas inutile de s'encombrer la mémoire. C'était un temps où l'Évêque dictait sa loi. Les vieilles colonies tueuses sont dans cette terre érigée en roi. Dans ce pays, vous me croirez à peine. Mieux vaut réfléchir à deux fois plutôt que se tromper de voix. Il n'est pas inutile de s'encombrer la mémoire. C'était au temps où les hommes étaient tous des moutons. Se tenaient bien sages et défilaient en randonnion. Quand quelque chose d'incommodant pour leur petite personne venait troubler la quiétude de la vie monotone. Laissez s'exprimer la plaine, ça vous la calmera. Le peuple est toujours prêt à accepter n'importe quoi, à condition qu'on lui donne l'impression d'exister. Thank you.